j'suis dans le biz, j'suis dans le showbiz. Pantalon palma, je ne porte pas de tickets. Après l'école, moi je casse les gueules. Extinct dans mon cartable, charo c'est charo, violent c'est violent. L'équipe est toujours imbattable. Bata dans leur babine, j'suis pas ton copain, me regarde pas chelou. Espèce de bâtard, cherche pas la bagarre, j'te préviens déjà, mes gars sont relous. Zéphégoro, ces négros sont faibles, ces négros sont des pures. Je n'ai aucune peine, aucune larme, ça c'est pour eux. Une rafale de tir et des bâtards en courue. Bâtard en courue, c'est nous les méchants fils de pute, on a tout vu. Cardap, dépôt, et quand y'a des sons de favo, les types balancent des pavés. Mais quand y'a des sons de favo, les types balancent des pavés. Pas tant des salades, ne parle pas chinois. Non. Comme un vrai charo, je déploie mes ailes. Posé dans ma jungle every day. Récolte ce que l'on sème, j'fais du blé. Regarde nos fringues, c'est du vrai. L'équipe elle est deep, on est prêt. Charlie Delta.